écoutez Radio Veillez et Priez, une radio web chrétienne qui diffuse les enseignements sur la fin du temps et le retour de Jésus-Christ. From your sins and be changed. Repentez-vous de vos péchés et changez. We hani via havianu muhinduke. Oh, tubuni zambi zenu mubadilike. Weneye ebibi vyo osonyiwe. Oh, sinamehegi jajaria. Hear the word, all the people hear his voice, all the people fear the Lord. Repent from your sins and be changed. Tubuni zambi zenu mubadilike. Repent from your sins and be changed. Repentez-vous de vos péchés et changez. From your sins and be changed. Repentez-vous de vos péchés et changez. We hani via havianu muhinduke. Oh, tubuni zambi zenu mubadilike. Weneye ebibi vyo osonyiwe. Oh, sinamehegi jajaria. Repent from your sins and be changed. Repentez-vous de vos péchés et changez. We hani via havianu muhinduke. Oh, tubuni zambi zenu mubadilike. On peut commencer alors maintenant, non? Je vais, avant qu'on commence maintenant, inclinons les têtes et prions. Tant de Père, merci pour ce que tu fais pour nous. Merci pour ta grâce, merci pour ta bienveillance. Merci pour ce peuple, merci pour cette matinée. Merci pour tout ce que tu accordes, tes bontés, tes faveurs, ton regard bienveillant et ta grâce dans nos vies. Merci pour ta main puissante, tes ailes au dessus de gloire sur lesquelles nous demeurons. Merci pour ce peuple que tu as amené nombreux ici, Père, pour écouter tes instructions. Nous prions, Dieu de gloire, que tu soumets nos volontés sous ta parole et que tu nous donnes, Dieu de gloire, que cette parole soit ancrée dans notre âme et dans notre esprit, que nous vivions par elle. Père de gloire, purifie notre âme, purifie notre cœur maintenant, alors que nous t'écoutons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, si vous le voulez bien, nous parlons un temps soit peu de la Pâque, ou mieux encore de la Sainte-Seine. D'accord? Dans l'une des fois ici, je ne sais pas où j'avais abordé cela, mais tout ce que je viens de dire, c'est tout dans les enseignements. Voulez-vous les procurer? Il dit parce qu'en avril, nous avons ça devant nous. Il y a des questions donc qu'on doit répondre. Et comme on me venait de lire tout à l'heure, là, un samedi chapitre 15, où on a dit, si vous désobéissez à la parole de Dieu, vous êtes un sorcier. on va aller sans pas dans le avec de la cuillère. Si la récour n'a pas mangé sur la table de Dieu, vous avez mangé? N'ayons pas peur de parler, n'est-ce pas? Et là maintenant, toute question biblique, ça se trouve dans les réponses se trouvent où? Dans la Bible. Nous allons parler donc de la Pâque. Remarquez bien que je sens d'éviter d'utiliser le mot Saint-Saint. Parce que le mot Saint-Saint ne se trouve pas dans la Bible. D'accord? Le mot Saint-Saint a été reporté tout simplement en titre pour pouvoir parler de cela. D'accord? Voilà. Et si vous avez des questions, si vous avez n'importe quelle question concernant cela, il faut comprendre. Maintenant, la chose c'est la religion et le métamorphisme que la papauté a amené la partie du conseil de Nicée en 325 a embrouillé les choses au point où, écoutez très attentivement ceci, on a introduit des rituels et des célébrations qui sont étrangers à ce que les apôtres ont introduit dans l'Église. On a institutionnalisé cela. Et dans le développement des siècles, comme c'était la première institution, toute personne qui sortait de là ont commencé à répliquer les mêmes choses sans se rendre compte, sans se poser la question. Mais ce qui est surprenant, et vous allez voir que ce qui est surprenant entre vous et moi, c'est que chaque personne sortait et répliquait ce que l'Église catholique, l'Église mère, a institué, tout en ayant la Bible devant de soi. C'est ça qui est curieux. On se comprend, hein? Je prends un exemple simple que vous voyez. Je dis, je ne dois pas vraiment être long. C'est pour ça que je vais parler doucement. Je laisse, si vous avez des questions, vous posez, que je développe et puis je quitte la scène. L'Église catholique, on ne peut pas parler de ces choses sans commencer par elle. Parce que c'est elle qui a perverti ces choses-ci. Les apôtres n'avaient pas de problème. Quand les apôtres se réunissaient, ils faisaient ça tout naturellement. Alors, l'Église catholique, quand elle est institutionnalisée, commence à se regrouper avec Constantin. On prend des rituels qui se trouvaient à Babylone, mélangés avec ce qui se trouvait en Assyrie, mélangés avec ce qui se trouvait à Rome. On a engagé cela et concocté cela en mettant dans le culte catholique. Surtout qu'on parle de la liturgie, la messe. Ça ne se trouve pas dans les Saintes Écritures. Les rituels qu'on fait en voyant, en prenant vous appelez ce qu'il y a, le fumier là. Ça sort, ça fait là. Vous ne voulez nulle part aucune célébration comme ça dans les Saintes Écritures. Vous êtes surpris qu'on fait la messe. On parle le truc de la sang, on fait comme ça. Le fumier, on fait pom sur les gens. Ça sort d'où? Ça, avant que Jésus ne vienne sur la terre, ça se pratiquait dans les royaumes dont je citais. À Babylone, c'est ce qu'on fait. C'est le culte babylonien qui se trouve à l'intérieur. Donc vous voyez, les séances se lèvent, on met un livre ici, on est en train de lire les rituels, ce sont les rituels. Le Saint-Esprit ne fait pas des rituels. On lit certains discours, les gens s'asseyent, après on se lève, on se prosterne. C'est différentes prosternations, on se prosterne parce qu'il y a un endroit là-bas appelé l'autel où on a mis quelque chose à l'intérieur, appelé hostie. Vous me suivez? En réalité donc, le rituel, ou mieux encore le culte, nous sommes dimanche. Le culte, chaque dimanche, tourne autour de celui qui, ou bien de ce qui trouve, que se trouve dans ce tabernacle-là appelé hostie. Il y a des anciens catholiques ici. Vous avez été des catholiques, non? Quand il parle de hostie, vous comprenez ce que je viens de dire, n'est-ce pas? Donc je suis obligé de parler ici en prenant l'exemple, que ça sorte de là-bas. Ces petites choses, je crois que c'est ici où nous avons vu cela, les choses qu'on met dans le gobelet, on donne dans vos bouches comme ça, là. Ces petites choses-là ont une représentation, un exemplaire dans un tabernacle. Et c'est devant ce tabernacle-là qu'on se prosterne. On se présente devant un tabernacle parce qu'à l'intérieur se trouve quelque chose appelé hostie. Et cette chose appelée hostie, on appelle ça le corps de Christ. Mais c'est quand même terrible comme sorcellerie. Vraiment. Ça va. J'arrive doucement, d'accord? Doucement. Il faut que je parce que quand je vais quitter avec eux, je vais toucher le pentecôtisme. On y va. Alors donc, l'Église catholique, donc, c'est le Dieu soleil. Le Dieu soleil. Et vous voyez donc toute la représentation, dans chaque personne que vous voyez là-bas sur les photos, ont toujours le soleil sur la tête. Vous prenez donc les pièces d'argent que le Rome avait avant que Jésus-Christ ne vienne. Toutes les pièces d'argent avec les gens représentés, Constantin, tous les autres chefs, avaient le soleil sur la tête. Le dieu Mitra. D'accord? C'est Mitra dont il est question. Ok, maintenant. Lorsque l'Église catholique, donc, Constantin, c'est un roi païen, décide maintenant de réunir l'Église, quoi, il a appelé un concile. Le concile, c'est une réunion pour discuter de certains sujets. Lorsqu'il a fait le premier concile, ce concile de Nicée là, quand il a appelé, il appelait de l'Orient, des Occidentaux, tous ceux qui disaient pourquoi on parle cela, il n'a pas le droit d'abord d'appeler l'Église parce que ce n'est pas au chef païen de le faire. Le chef païen, Dieu a désigné des gens qui doivent conduire l'Église. Il a fait les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, comme docteurs, évangélistes et pasteurs pour l'édification. Voilà les gens qui le font. Vous posez la question, Constantin est qui dans cette sauce là? Même pas un président de la République ne peut pas parler de la Bible. Il n'a pas qualité. Vous me suivez, n'est-ce pas? Donc, s'il y a quelque chose, c'est aux anciens, aux apôtres de se réunir et parler. Pas un païen, encore moins un païen. Et donc, lorsque, en tout cas, c'est pas le sujet, je serai entre là-bas dans les prophéties bibliques, dans l'Ancien Testament, et ce qui va arriver dans le Nouveau Testament parlant de cela. Lorsque Constantin le fait, toutes les réunions qui vont se faire pendant plusieurs années, parce que le concile ne se passe pas en une seule année, pendant plusieurs années, donc de 320 à 325, où toutes ces réunions se passent pour pouvoir adopter, on a donc introduit des doctrines donc païennes, de ce Dieu Mitra en milieu chrétien. Donc beaucoup de personnes sont dans l'Église catholique, comme on a vu le cas de Marie la dernière fois. Cette femme qu'on appelle Marie n'est pas la Marie de la Bible. C'est une femme, un démon qu'on servait avant, qu'on appelait le nom de Marie. Donc les gens en célébrant, en chantant les louanges à cette Marie, on a desservé la divinité appelée Osir, Akera, ou bien Diane, la Diane des Éphésiens que vous avez dans la Bible. La reine du ciel. C'est elle qu'on a desservie. Donc on a mis la peinture païenne en transformant le nom. Vous appelez, papa, si par exemple c'est un idolâtre, je ne dis pas qu'il est idolâtre. Il dit qu'il était un idolâtre. Il s'appelle par exemple le chef du royaume des ténèbres. On dit, ok, maintenant, comment faire pour que le chrétien aussi le sait? On dit que non, il est Saint Barthélemy. Vous en avez Saint ceci. On dit, église Saint Thomas, église Saint ceci. Vous vous posez la question, quand vous nous entendez tout simplement, vous ne posez pas la question, vous dites, c'est Saint, non, non, Thomas c'était un saint. Il dit, ah, c'était un saint. Pourtant, c'est un païen. Vous êtes, comme on dit, chez les Bamlékés, vous allez quelque part, on prend quelque chose, on dit qu'on met dans, où vous enterrez la maison, les crânes quelque part. On construit les basiliques catholiques avec les ossements, vous savez ça, n'est-ce pas? En donnant le nom donc maintenant des ossements de la personne qui est en bas, n'est-ce pas? N'est-ce pas la sorcellerie? En bâtissant comme le Seigneur dit, des tombeaux blanchis. Alors donc, ce sont des noms de païens, mais le culte païen qu'on a donné les noms chrétiens. Parce que si pour le chrétien, c'est simple. Il suffit de Saint Barthélemy. Donc quand vous allez sur le calendrier pour chercher le nom là, sachez que vous allez chercher le nom d'un démon. Il l'appelait comment là? Saint Victoire. Il y a Saint sur son nom. Saint Victoire. C'est pas comme ça là. J'avance là. Alors donc, après ce concile donc là, le point central a été mis sur la messe. Souvenez-vous, la messe n'est pas l'ensemble. La messe c'est ça. C'est qu'on prend pour mettre. Vous savez ça, n'est-ce pas? La messe c'est cette célébration là. La messe, c'est cette célébration que vous faites de façon solennelle, le culte là. Tous les autres que vous faites là, c'est la liturgie. La messe, quand vous dites que vous allez à la messe, vous allez pour la célébration de ce culte du Dieu Soleil. Appelé, maintenant, vous appelez le corps de Christ ou n'importe quoi, le nom qu'on lui donne. Mais on va vérifier, après, je vais expliquer ça. On va aller dans la Bible pour voir ce qu'il en est, ce que la Bible dit. Mais voici le vrai problème, c'est que la Bible est écrite. Quand l'Église catholique naît, prend les institutions et mélange tout avec Constantin, ce 325, et usurpe. Polycarpe et autres ont déjà réuni ces documents-ci. Les documents que vous avez là maintenant, les lettres, les épîtres qu'on avait déjà transmis. C'est déjà réuni. Ce qui fait que le concile devrait vérifier toutes les doctrines ou la lumière de la Bible. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé, comme l'Église catholique enseigne dans sa doctrine, que c'est l'évêque de Rome qui décide et donne l'interprétation de la parole du magistère. C'est la chose que la tradition orale. Si le pape dit que l'écriture veut dire comme ça, vous suivez. C'est ce que ça veut dire. Donc celui qui donne la parole. En tout cas, on l'appelle justement Babel, dans la porte de Dieu. Et Léon avait dit quoi? Nous tenons sur la terre la place de Dieu. Donc ça veut dire que le pape représente qui? Dieu sur la terre. Parce que quand il parle, le chef d'État se prosterne. Lui n'a pas d'arme. Vous avez vu l'arme? Non. Mais le chef d'État qui a l'arme, l'arme nucléaire vient vers lui, se prosterne devant lui. Vous pensez que c'est de qui dont il est question? La Bible déclare qu'il parlait comme un dragon, comme un agneau. Mais c'était la puissance qu'il avait. C'est la puissance du dragon. Maintenant, suivez. Alors, ces petits hostiles là que vous avez dans les gobelets que vous allez prendre, c'est ça qu'ils appellent quoi là? La communion. Et la dernière fois, je vous ai dit qu'il n'y a pas une seule mention de cette communion là dans les Saintes Écritures. Ça se trouve nulle part. La Bible n'appelle pas ce que nous, le sujet dont nous voulons parler là. La Bible n'appelle pas sa communion. Nous sommes ici maintenant dans la communion fraternelle. Nous sommes là dans la communion fraternelle. Nous sommes en train de manger la communion. Maintenant, quand un catholique te dit, est-ce que tu as déjà pris la communion? Directement, tout le monde comprend que la communion, c'est ce bout de truc-là qu'il a de prendre. Vous voyez comment on chamboule les choses, n'est-ce pas? La communion, ce n'est pas un objet qu'on prend. La communion, c'est une étape. Parce que communier veut dire entrer en relation avec. D'accord? Alors, nous sommes ici pour entrer en relation avec le Seigneur. On dit, notre communion est avec le Saint-Esprit. D'accord? Que la grâce, la paix, l'amour et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Donc, il y a un Saint-Esprit que le Saint-Esprit donne. C'est ça, hein? Vous comprenez que ce n'est pas ça, n'est-ce pas? Alors, il n'y a pas la mention du mot communion dans la Bible, c'est référent à cette hostile. C'est étranger. Bon, maintenant, je peux avancer? Amen. Voilà. Alors, quand ils ont commencé à se donner ces choses-là, donc, maintenant, Luther, après avoir écrit les 14 et les 95 points là-bas, qu'il a affiché là-bas le 15 octobre 1500, sur l'église de Wittenberg, en dressant les différentes choses, en sortant là-bas, Luther était sous l'impulsion du Saint-Esprit. Mais dans l'ordre des choses, écoutez très attentivement, observez bien, c'est l'arbre de quoi ici? Le pamplemousier. Si je coupe le branche du pamplemousier, le branche du pamplemousier, si elle s'apporte de fruits, cette branche-là, si je quitte, je coupe pour l'enlever, ça porte et les feuilles et les fruits. Et une partie des branches. Donc, il ne pourrait pas dire qu'il est détaché de cela, parce qu'il porte dans les attributs de cet arbre-ci. L'Église catholique a produit toutes les religions que vous avez sur la terre, dans le cadre chrétien. Alors, lorsque le matin Luther sort à l'intérieur, il hérite de beaucoup de choses qui sont identiques à l'Église catholique. Il ne peut pas faire mieux parce que personne n'allait à la source de la parole. Parce qu'il fallait examiner selon la parole. Il n'y a qu'une seule chose qui l'a fait sortir. Romains chapitre 1, verset 17. Mon juste vivra par la foi. Donc, la vente d'indulgence. Il fallait demander pardon pour tes péchés en donnant des legs, en donnant des choses pour pouvoir que tes péchés soient pardonnés. Pas vrai? Le Saint-Esprit a reproché ça subitement parce qu'en réalité, ceci mettait en désarroi le sang de Jésus-Christ et le prix du sacrifice dans la croix. Mais les autres aspects de la doctrine, le Saint-Esprit ne s'y pas à télé parce que ce n'est pas le moment. J'espère que vous m'avez suivi. Parce que si c'est le moment pour que ça donne de façon parfaite, l'Église est enlevée. Or, ça doit aller de façon progressive. Il fallait restaurer donc la doctrine de la croyance par la foi. La foi en Jésus-Christ comme l'œuvre achevée totalement pour être pardonnée. Vous me suivez, n'est-ce pas? Alors, donc, il fallait restaurer la doctrine de la réception du salut par la foi en Jésus. C'est ça la principale mission de Martin Luther. D'accord? Et donc, quand il donne, le juste ne vivra pas par la foi. C'est ce que les catholiques enseignent en réalité. Vous pouvez vivre par votre action, en donnant, en faisant la pénitence. Il dit non. Il est écrit, le juste ne vivra pas par la foi. Donc ce n'est pas parce que tu donnes les trucs-ci et les collectes et ainsi de suite que tu peux vivre. Non, ce n'est pas la foi. Maintenant, quand il a dit ça, il a raison sur ce point. Les toges, il va sortir avec cela. Le baptême de nouveau-né, il va sortir avec cela. Tous les autres de consécration pastorale, il va sortir avec cela. Le système clergé laïque, il va sortir avec cela. Pas vrai? C'est donc pour cela que vous prenez les cultes mariés, vous n'avez pas quel bâtiment protestant. Vous prenez Marie, vous mettez devant comme ça. Pam! Allez, ça devient quoi? Catholique. Là, c'est le même rituel. C'est normal que quand tu accouches un enfant, il y a des traits de caractère sur toi. Des traits de ressemblance. C'est elle qui a accouché. C'est pour ça que l'Église catholique les appelle les églises filles, ou mieux encore les églises sœurs. Ils sont de la même famille. Des Luthers dont les autres vont encore sortir. Les baptistes, les anabaptistes, tous les autres, jusqu'à ce que les méthodistes et autres là-bas, et les pentecôtistes. Donc vous ne pouvez pas dire sur la terre que vous êtes dans une religion et que vous n'êtes pas sur l'Église catholique. L'Église catholique est votre mère. Vous me suivez? C'est pour ça que la Bible dit d'elle que c'est elle qui a enivré toute la terre. C'est la première gestation. Mais voici la chose. Quand l'Église catholique était en gestation pour naître au conseil initié, il y avait un autre groupe en parallèle qui n'était pas là-bas, qui ne touchait pas à ces choses là-bas, qui ne se prosternait pas devant Baal. Cette-là, lors de la réunion écuménique, on les appelle les hérétiques. Donc, puisqu'on était, le groupe-ci était le groupe officiel, ceux qui étaient en marge de cela, qui allaient dans l'autre sens, étaient taxés d'hérétiques. Et c'est eux donc qu'on va emmener à l'inquisition en 1095, où il y a les premières croisades. C'est eux donc qu'on devait aller persécuter pour aller les tuer parce qu'ils ne voulaient pas se soumettre à la papauté. On va les tuer des millions. Et on a vu ici la dernière fois avec vous ici qu'on a trouvé chez elles le sang des saints. Toutes les croisades qui étaient là, c'était pour aller les tuer. Parce qu'ils voulaient les soumettre, ils voulaient les éteindre pour qu'il n'y ait pas deux voix sur la terre. Que ce soit seulement la voix de l'Église catholique qui va parler. Mais il ne peut pas faire autrement. Même s'il reste un, Dieu va l'utiliser pour illuminer. Amen. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Amen. Alors donc, c'est cette marge ici. C'est pour ça que la torche que l'apôtre Pierre a allumée le jour de la Pentecôte ne peut pas s'éteindre jusqu'à ce que l'Église soit enlevée. Amen. Les gens vont se réunir pervertis là-bas. Dieu va passer ça à quelqu'un. Du côté en parallèle. La personne va passer. Vous avez quelqu'un va se lever et dire que c'est ce que vous faites là n'est pas la vérité. Voici la vérité. Les gens vont écouter là-bas. Dieu va attirer les gens. C'est pour ça qu'il dit mon peuple, sortez du milieu de. C'est pas Dieu qui crie dans le ciel. C'est quelqu'un qui est sur la terre pour dire sortez du milieu de. Comment quelqu'un va dire sortez du milieu de étant dans son milieu? Vous pouvez être dans le milieu en disant sortez. Il n'a pas dit sortons du milieu de. Il a dit sortez. Donc la personne à l'extérieur, il a dit sortez. Donc cette personne, c'est à la lumière. L'autre, ils sont à l'aide de la ténèbre. Il faut que la puissance de la parole vienne pour les faire sortir de là. Alors, si ce n'est pas prêché de cette façon par le Saint-Esprit, les gens vont écouter, vont croire peut-être que c'est des histoires. Mais là, quand la vérité est prêchée, parce que c'est ce qui se passe, il faut qu'on te présente la vérité pour que tu saches que tu es dans le mensonge. On y va? Gardez-vous à l'esprit une fois de plus que la messe, donc vous dites, quand on dit je m'en vais à la messe, il s'agit de l'hostie. Il m'avait mangé l'hostie. Il m'avait fait la célébration tout autour de l'hostie. Parce que tout ce qui est fait là-bas, c'est en l'adoration au Saint-Pain. Le Saint-Pain, pas le Saint-Père. Donc le pain qui est constitué là, c'est ça. L'adoration et la prostination, l'adoration est faite sur ce pain-là. C'est pour ça qu'en 1500, il y a cette doctrine de transsubstantiation. C'est parce que vous avez entendu parler de cela. La transsubstantiation. S'il y a une doctrine à l'Église catholique la plus démoniaque, c'est celle-là. Et dans cette doctrine-là, il est dit que dans chaque bout de l'hostie se trouve incrustée la totalité du corps de Jésus-Christ. Et dans chaque, quand le prêtre a déjà béni, ou bien encore l'évêque a béni le pain et a béni le vin, chaque sang, si vous versez un gobelet, c'est totalement le sang de Jésus. Si vous coupez le pain même à 800 morceaux, chaque morceau porte totalement le corps de Christ. C'est pour dire que ce corps-là, c'est un corps, c'est un mystère. Par conséquent, quand on prend, quand tu prends ça, tu as mangé tout Jésus. S'il n'y a pas une sorcellerie plus grande, c'est qu'il ne sait pas. C'est pour cela que les francs-maçons peuvent être à l'aise. Les religieux peuvent être à l'aise, ils portent son pince, après ça va faire, il vient, il ouvre la bouche, on met le corps de Christ là, il mange. Vous pensez que Jésus étant là, le Saint-Esprit étant là, un sorcier viendra manger cela? Les marabouts se sentent à l'aise là-bas. Ils peuvent donc dire que vous pouvez vous célébrer et puis samedi ou aller au village faire le clan de votre grand-mère, que Dieu n'est pas grave avec cela. Mais on va voir toutes ces choses-là maintenant. D'accord, mes soeurs? Amen. On appelle donc ça chez les catholiques la communion. C'est le nom qu'ils ont pu lui donner. Au milieu pentecôtiste et les autres milieux, on appelle ça sainte scène. D'accord? La Bible appelle ça quoi? La Bible appelle ça la part du Seigneur. Restons dans la dans le cadre chrétien maintenant. Ouvrons la Bible. Ouvrons-moi trois livres maintenant. Ou bien comprenons d'abord deux. Bien trois. Bien. La dernière fois, je vous avais dit, quoi que le garçon, si il y a le soleil là-bas, tu peux t'asseoir ici ou bien dans les chaises là-bas. Ouvrez le livre de Marc. Je crois que la dernière fois, je vous ai donné ça, Marc chapitre 14, Matthieu chapitre 26, Luc chapitre 22, Jean chapitre 13. Je vous ai donné tout cela la dernière fois. Vous avez noté, n'est-ce pas? Donc, notez ces grands livres-là, parce que c'est tout ce qu'on va parler va se retrouver là-bas. Marc chapitre 14, Matthieu chapitre 26, Luc chapitre 22, Jean chapitre 13. Vous y êtes? Notez aussi 1 Corinthiens 11. Tu as dit Marc. Marc 14. Matthieu 26. Luc 22. Maintenant, quand le papier se va s'égarer, maintenant tu vas faire comment? Parce que ça, c'est le papier de Western Union. Tu vas regarder. Parce qu'il y a Western Union sur ça, maman. Non. Bon, dimanche dernier, quand tu as noté, où est le papier? Où est le cahier à la maison? Ah, ok. Donc, Luc chapitre 22, Jean chapitre 13. Notez 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. Actes des Apôtres chapitre 20. Actes des Apôtres chapitre 20. Notez 1 Corinthiens chapitre 5 aussi. Voilà. Notez donc tout, on va se tourner tout le. Je vais dire de façon sommaire. Ouvrons, vous avez ouvert Marc chapitre 14. Oui. Vous qui avez le titre, je veux que vous me dites, c'est le titre, je ne veux pas qu'on lise ce qui là. Si vous avez le titre dans votre Bible, dites-nous ce qui est écrit en titre. Le complot. Comment? Le complot. Le complot contre Jésus. Le complot contre Jésus, oui. Papa répandu sur sa tête à Bethanie. Oui. Continue, mon cher, ici. Histoire de passion. Histoire? Vous avez des sous-titres. On a coupé en bloc. Chaque bloc a le titre. Elle a fini de nous dire tout à l'heure. Elle m'a demandé, je lui ai dit. Elle a fait sa fin. Elle me regarde comme il dit Marc, c'est Marc 15. Hein. C'est trop fort ici. Institution de la Sainte-Seine. C'est pour ça je veux que moi vous attirez votre attention sur quelque chose. Donc ici, c'est quoi? Institution de la Sainte-Seine. Ça, c'est quel titre? C'est quel chapitre? C'est Marc 11. Marc 14. Marc 14. Donc c'est écrit en haut. C'est écrit en haut, à quelle partie qui est partie? Le verset 12 et 15. Donc, ça dit que, parce qu'on a coupé en bloc, on a coupé, c'est imbriqué en différents passages. C'est chez toi, c'est écrit quoi, papa? C'est ça. C'est écrit à quoi? Institution, de la même façon là-bas, n'est-ce pas? Institution de la Sainte-Seine. Je veux que vous voyez le mot. Donc, ça veut dire que, le passage que vous allez lire là, on parlait de l'institution. Donc, institution, ça veut dire quoi? La fondation de la Sainte-Seine. Voilà le titre qu'on a mis là-bas. Ce titre-là donne le résumé de ce qu'on va lire là-bas. Maintenant, restons donc sur ce résumé, sur le titre dont on a donné. Ils disent, ça c'est la version catholique, ça trompe. Qu'est-ce que c'est écrit? Contre, contre Jésus, même ici. Voilà, c'est ici là. Préparatif du repas pascal. Voilà, c'est bon. Donc ça c'est la version top là maintenant, à partir au-dessus du verset 12. Donc au verset 12, c'est écrit là-bas, préparation du repas pascal. Restons sur la version catholique, c'est encore très intéressant. La version catholique est très intéressante. On dit, écoutez bien, préparation du repas pascal. Donc là-bas, on est en train de préparer quoi? Pascal, c'est vient de la Pâque. Donc, au moins encore, préparation du repas de la Pâque. C'est ce que l'Église catholique dit. Bon, maintenant, chaque fois qu'elles font ces choses-là, dans leur célébration, chaque dimanche, que ce soit au culte, n'importe où, ils font toujours ça. Que ce soit au deuil ou aux invités, ils font ça. Pour être sûr que chacun prend la perversion. Maintenant, quand on fait la préparation, ça veut dire que l'institution, c'est là. C'est là qu'on a instauré. Ça se passe que si on veut faire n'importe comment, on va regarder ce modèle. On doit vérifier que c'est ce modèle qu'on a donné de faire. Pas vrai? Prenons un exemple. Voici dimanche. Ils ont certainement fait ça dans toutes les églises catholiques. Pas vrai? Amen. Maintenant, là, il dit repas pascal. Ici, on parle de la Sainte-Seine. Le mot Sainte-Seine vient de latin cena. Cena, ça veut dire que le repas du soir. Cena, c'est le repas du soir. Ça veut dire le souper. D'accord? Ok, maintenant. Le souper se mange à quelle heure? Soir. Vous voyez qu'on a des problèmes sur la terre, non? On a des problèmes, non? C'est pas ça le problème? Ok, maintenant, si ça se mange le soir et qu'on a fait le matin, on n'est plus en train de faire selon l'institut. Parce que l'institution n'a pas fait comme ça. À la fondation, on n'a pas fait comme ça. On doit faire comme on a fait à la fondation. Nous sommes d'accord là-dessus. Voilà. Ça suppose que la Sainte Seine ne se célèbre pas en journée. Oui ou non? Donc si quelqu'un s'est mis dans la journée, il a servi le Dieu sur soleil. On a vu qu'il faut qu'on voie la vérité, non? Ou bien j'arrête alors? Non. On fait comment? D'abord, jusque là c'est bon, non? Oui. On dit la Sainte-Seine, non? C'est le souper. D'accord? Allons dans 1 Corinthiens pour bien voir quelque chose. Faisons un tour à 1 Corinthiens et on revient. Corinthiens chapitre 11. Corinthiens, rapidement, pourquoi on revient? Je veux seulement vous montrer quelque chose. Parce que là, je suis sur l'introduction, sur le titre que vous avez lu. On a dit Sainte Seine. Je suis en train de vous expliquer ce que le mot Sainte veut dire. Sainte veut dire le souper, le repas du soir. Tu y es, papa? Voilà. Disons à partir du verset 20. Écoutez très attentivement. Verset 20. On va revenir en profondeur là-dedans. J'espère que la police va nous permettre de travailler. Le verset 20 est suivant. Donc, lorsque... Prenons le verset 24 rapidement. Verset 24, parce que ça se trouve là-bas. Verset 23, 24, allons-y. Car moi, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Oui. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Donc il prit du pain à quelle période? La nuit. Mais c'est quand même curieux. Continuons. Et après avoir rendu grâce, oui, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. On va revenir en plein sur ce passage-là. Allons-y. De même, oui, après avoir soupé. Souligner après avoir soupé. C'est là où je voulais en venir. Merci. Ça, c'est le verset. Vous voyez, n'est-ce pas? On dit de même, après avoir soupé, il prit la coupe. Le souper, c'est pas à quel moment? Le soir. Donc, c'est pour ça que sans entrer dans les détails, on va y revenir en plein. Donc, je voulais seulement vous amener là-bas pour montrer clairement que la Bible dit que c'est le souper. Que c'est le soir. Donc, il n'y a pas de Sainte-Seine en journée. Nous sommes d'accord? Voilà. C'est bon. Si c'est clair, non, c'est bon. Maintenant, j'aimerais bien encore qu'on se comprenne quelque chose. Paul, qui écrit ceci dans 1 Corinthiens, n'a pas marché avec Jésus. Tout à l'heure, dans l'autre partie, il parlait de désobéissance par rapport à ce qui est écrit, n'est-ce pas? Paul n'a pas marché avec Jésus, notre Seigneur, quand il est de son vivant sur la terre. Vous connaissez bien l'histoire de sa conversion dans Actes 9 et autres, tout comme elle a marché avec le Seigneur. Alors il dit ici, je vous ai enseigné ce que moi-même j'ai, je vous ai enseigné ce que j'ai reçu de la part du Seigneur. Ce que Jésus dans la nuit, parce que la Bible nous renseigne clairement dans Marc 14, on a lu là, que Jésus a dit à ses 12 disciples. Donc la soirée, ils étaient 13, oui ou non? Oui. Donc les 7 d'Avenir Chico avec la 13e, la femme qui était cachée derrière là-bas en bleu. Donc ce n'est pas d'Avenir Chico. Ils étaient combien là-bas? 13. Jésus et ses 12 disciples, y compris Judas Iscariote, parmi les 12. Paul n'était pas là. Puis l'attention, il veut vous attirer votre attention sur le fait que Paul dit qu'il a reçu ça du Seigneur. Si donc le Seigneur, après avoir accompli ceci, va à la croix, meurt, ressuscite, fait 40 jours sur la terre, puis monte au ciel, puis plusieurs années, près de 30 ans plus tard, se révèle à Paul et puis vient lui expliquer le même événement du soir. Qu'est-ce que Jésus veut nous faire comprendre? Ça ne peut pas changer. Voilà. Nous sommes donc sur la bonne base. Donc, si Jésus lui a dit, c'est parce que ça n'importe pas, est-ce que l'heure n'importe pas, il n'aurait même pas fait mention de cela. Que vous pouvez célébrer comme vous voulez. Ça veut dire que le Seigneur prend une attention particulière à cet événement. Vous voyez qu'il est important que nous voyons ces choses doucement, afin qu'on ne fasse pas d'erreur, n'est-ce pas? Maintenant, si il recommence encore, Jésus meurt, longtemps après, se révèle à Paul. Ses disciples encore, si c'était Pierre qui écoutait, qui disait ça, lui, on pourrait dire que non, il allait raconter ce qu'il a vu en soirée. Mais celui-ci n'était pas là. Or, il allait nous raconter quelque chose d'une soirée où il n'avait pas été là 30 ans plus tôt. Et il dit que c'est Jésus qui lui a raconté cela. Si Jésus lui raconte donc ces choses, ça montre que Jésus attire une attention là dessus. La preuve en est qu'il en a écrit comme ça aux Corinthiens qui n'a rien à voir avec les Juifs. Il écrit aux païens. Il dit que je vous ai enseigné. Donc, ce que Jésus a dit aux Pierre et aux apôtres de la soirée, il a dit à Pierre, Paul, d'aller enseigner ça. Et ce que les apôtres ont fait, lui et ses hommes ont fait, c'est ce que Paul a enseigné que les apôtres, les disciples doivent faire. Il dit, je vous ai enseigné. Je vous ai. Il ne dit pas que je vous enseigne. Donc, quand Paul était là, il leur disait que la nuit où Jésus-Christ avait tourné le bois, voici comment ça se passait. Voilà comment ça va se célébrer. Il dit, comment est-ce que tu sais ça? Jésus m'a dit que voilà comment ça se passait. N'est-ce pas, mes frères? Alors, ça dit que les apôtres n'avaient qu'une seule façon de célébrer la scène, comme Jésus l'avait célébré. Donc, il est donc important que nous allons voir comment ça s'est passé. Alors maintenant, je repose donc la question. Chaque personne donc fait, comme on a vu pour l'Église catholique, au deuil, ils font ça distribuer aux gens. C'est biblique. Non. Alors, ils servent qui? Chaque dimanche matin, ils le font. S'il y a des paroles, il y a trois cultes, les trois cultes, ils le font. Pas vrai? C'est vrai, papa. C'est ce que la Bible enseigne. C'est-à-dire que sur la base, je ne veux pas d'émotion. Je ne veux pas que vous pensiez, en tout cas, même si vous pensez ça, je m'en fous. C'est la vérité quand même. Alors, la question, c'est, les B.A.B.A., les basiques que nous avons vu là, est-ce que c'est biblique? C'est pas biblique, n'est-ce pas? Ça, c'est l'Église catholique. Que dites-vous des églises évangéliques et protestantes? N'est-ce pas, c'est la même chose? Le vendredi soir, les gens vendent, ils ont mis les cartes de la 500, où on peut 500 signatures. On a mis les différents. Quand la carte est finie, là-bas, on fait. Donc, tu fais chaque fois, tu signes. On donne l'argent. Dites-moi un peu, quand vous allez signer, c'est les 500 là, c'est pour faire quoi? Les cartes des 500, c'est pour faire quoi au juste? Et on part comme ça le soir pour signer la carte et pour prendre la 500 le matin. Donc, nous certifions que tu es digne de prendre la Saint-Saint. Donc, tu as effectivement pris la Saint-Saint ce dimanche matin. Le matin, on mange le déjeuner. Tu sors chez toi très tôt pour aller déjeuner. Non, la mission protestante, c'est pas pour ça. On fait comment? Quand tu te baptises, oui. On te donne la carte. Oui. La carte, là, maintenant, te permet de. Si tu vas n'importe où. Oui, il y a les protestants. Il y a les protestants. Mm-hmm. Tu arrives, tu as le pasteur, si c'est le jour de la Saint-Saint. Tu prends la carte. Tu peux prendre la carte, mais maintenant l'argent qu'on demande, c'est l'argent qu'on paye, qu'il faut que tu sois aussi chrétien bien. Donc il faut que ton nom soit. Que ton nom soit. Dans le cahier là, parce que dans ta carte, on a écrit, il y a des marges. Si tu as donné 10 000 ou tu as donné 5 000, on écrit. Bon. Qui a institué ça? C'est son papa, on ne connaît pas, on donnait seulement. Tu as ton ancien cadre là-bas? J'ai fait un an. Donc je me suis baptisé, j'ai fait un an, j'ai fui. Pourquoi? Je ne sais pas. Tu n'as pas fait la carte de baptême de carte de Dieu? Je n'étais même plus. Je me suis baptisé en. Quoi c'était en 60. Là c'était le protestant. J'étais protestant. Tu protestais. Après j'ai quitté. Tu as encore protesté les protestants, tu es parti. J'ai fait seulement un an avec eux, je suis moi parti. Bon, maintenant, voilà le cas de baptême, les listes et autres. Non, chez le pentecôtiste, maintenant, c'est encore grave. Pour eux, c'est le cas. Il y a le cas des dîmes. Là-bas, vous écrivez, même on doit se connaître votre salaire, là où vous habitez, le poste que vous occupez. Quand il y a même des primes de salaire, vous devez le mentionner. En tout cas, ce n'est même pas le moment. Continuez, vous avez la Seine-Seine. Donc, nous comprenons que la Seine-Seine, comme le nom l'indique, parce que si vous dites encore, c'est un peu comme je dis, comment on passe au baptême, avec le baptême. C'est dit, le baptême, ça veut dire. Le baptême, c'est pas immersion, c'est que ça n'a pas de sens. Si vous dites la Seine-Seine sur le soir, ça n'a pas de sens. Parce que la Seine-Seine, ça veut dire le repas du soir. Je ne veux pas dire que le repas du soir veut dire le repas du soir, parce que le repas du soir veut dire le repas du soir. Je sais pas si vous comprenez. Donc, le jour de la Seine-Seine, le pasteur ou le prêtre prend la Bible, ouvre la Bible en lisant, que le repas du soir, en vous regardant, pour vous convaincre que le matin, c'est sur le soir. Et vous savez vous-même que vous êtes quitté le matin à la maison. En ce jour où nous célébrons, la Bible est là, où nous célébrons le Christ. En ce soir où il prit du pain, il fait comme ça. Il lit, en ce soir où il prit du pain, il le rompit. Et après avoir soupé, il dit, et après avoir soupé, il n'y a pas de souper, il n'y a pas de souper, mais il a de déjeuner. Il dit, il prit ensuite la coupe, il a de lire ça dans la Bible. Je me pose la question. C'est-à-dire que j'ai soin de lui le soir et je suis le matin. En train de vouloir faire ce qu'on a fait le soir étant le matin. Je ne sais pas si vous pouvez vous aussi méditer et me trouver, donner une réponse vraiment pour qu'ils puissent comprendre ce qui ne va pas avec eux. Celui qui lave le cerveau, mais son cerveau a été lavé. Parce que c'est lui dont je ne parle pas de vous. Je parle de lui qui met la Bible devant lui. Quelqu'un a la Bible arrêtée comme ça, pas à sa gauche ou à sa droite. Il a son micro, pour ne pas quitter le micro. Il jette coudé parce que le verset biblique n'est pas resté dans lui. Il dit qu'en ce jour, il prit du pain. Il lève le pain comme ça devant vous, non? En tout temps, vous êtes là comme ça, vous êtes fidèles parce que vous attendez que la Sainte-Seine. Oh, vous parlez. Attendez. Et puis il dit, à de même, après avoir soupé. Le souper, c'est quoi? Pas de soir. Mais il a de faire à quel moment? Mais il dit que Jésus, il a de vouloir. Il prend la Bible pour montrer qu'il a de faire comme ça ce que Jésus a fait. C'est ça le vrai problème. Mais il est de dire quelque chose que Jésus a fait le soir en disant seulement matin. Voilà donc on se situe. Nous venons donc de résoudre le problème de la période, du temps, de l'institution. Donc la Seine-Seine ne se pratique uniquement que le soir. Sera résolu, n'est-ce pas? Voilà. Et maintenant. Dans cette phrase, comme on a lu dans le verset 12 au-dessus de la version top là-bas, préparation du repas pascal. Et dans votre version à vous, le second, on parle de l'institution de la Seine-Seine. Maintenant, institution. On a dit institution, ça veut dire que l'établissement. Ok, institution, c'est on a dit l'établi comme ça. On établit quoi? La Seine-Seine. Ok, maintenant avançons. Vous avez moi, hein? On a d'instituer instituer Saint-Saint, ça veut dire quoi? Encore une fois de plus. Donc, dans cette célébration, on a d'instituer quoi? Le repas du soir. Alors, donc, ça veut dire que la Saint-Saint constitue en la célébration autour d'un repas. Donc, c'est le repas, pas vrai? Bon, maintenant, chaque dimanche, quelqu'un vient, après, on met un bout de pain dans la bouche. On a short ça dans le jus. On met comme ça, il mange. Tu étais où? J'étais célébré la Seine-Seine, ou bien j'ai participé au repas du soir. Il est allé le matin manger un bout de pain, mais il dit qu'il a mangé le repas. Vous voyez encore le problème? Vous avez moi? Amen. Si vous êtes fatigué, prenez un peu de l'eau. Amen. Ça va descendre doucement et puis je vais avancer. Amen. Donc, on a vu que c'était quelque chose qui se passe le soir. On veut voir maintenant que l'institution là, il s'agit de la nourriture. C'est ça, non? Voilà. Maintenant, puisque vous êtes toujours dans 1 Corinthiens 11, maintenant regardez très attentivement. Là, ça nous permet encore bien de comprendre ce que Jésus a expliqué à l'apôtre Paul. Et ce que l'apôtre Paul, lui, l'a enseigné à l'église, pas vrai? Continuons, nous étions au verset 25, n'est-ce pas? Écoutez très attentivement. Paul nous a dit ici que, après le souper, et le souper, c'est le repas. Après le souper. En fait, si vous lisez ce que Jésus a dit, vous avez le temps de le lire, c'est pour ça que vous avez tout le livre. Quand le Seigneur a envoyé ses disciples, ils ont préparé le repas. Et la Bible déclare que le soir étant venu, il s'assit autour de la table avec ses disciples. D'accord? On dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit Non. Jésus prie du pain. Pendant qu'il mangeait. Donc, il était en train de manger. Parce que quand les gens disent aux gens que non, le pain c'est aussi un repas. La Bible n'a pas laissé les gens oisifs. Et la Bible déclare qu'ils étaient à table. Ils étaient en train de manger normalement le repas. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus s'éleva. Prit du pain. Il dit, j'ai souhaité manger cette Pâque-ci avec vous afin que le Fils de l'homme soit livré, n'est-ce pas? Donc Jésus a mangé le repas. Il mangeait le repas. Et pendant ce repas, il a pris du pain, rendu grâce et le rompit. Maintenant, dans les églises évangéliques et pentecôtistes, il y a une jeune fille qui prépare cela. On coupe ça, c'est le kumba bread là. D'autres, c'est le biscuit. On coupe ça, petit. Ils sont combien? Ils vont devenir nombreux. 100. On porte un corbeil. On veut mettre là devant. On met le drap blanc sur ça. On prie jusqu'à que le Dieu descende dedans. Il ne descendra pas. Parce que c'est le pain, pas les pains. Vous avez moi, hein? Vous avez compris que le pain, non? La différence entre le pain et les pains. Parce que le pain ne se rompt pas après qu'on rende grâce. C'est-à-dire qu'on ne coupe pas le pain avant de rendre grâce. Parce que la Bible déclare, il prit du pain. Après, je ne sais pas si on se comprend bien. Amen. Après avoir rendu grâce, il le rompit. Donc on rompt le pain après avoir rendu grâce. On se comprend, n'est-ce pas? Amen. Mais ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que les gens coupent ça comme ça, petit, on met. On passe devant toi, on te plante ça. Plan. Tu passes d'abord. Tu prends le petit gobelet, le coussin. Tu bois, voir. C'est là. On arrête doucement, d'accord? On arrive. Donc, après avoir rendu grâce, il rompit le pain. On n'a pas dit il rompit les pains, parce que c'est un seul corps de Christ qui est livré pour tout le monde. Et tout le monde doit participer à ce seul pain-là lorsque Dieu a accordé l'acceptation du sacrifice. On ne peut pas accepter Christ sans que Christ n'est jamais, ne soit d'abord mort. Il faut qu'il meure pour qu'on puisse l'accepter, non, que son sacrifice est de fait pour nous. Vous me suivez, n'est-ce pas? Donc, on prend du pain, on rend grâce et on rompt. Mais ce que nous faisons, chaque fois il montre ce que la Bible dit et ce que nous faisons aujourd'hui. Les gens font ça, après on met le drap sur ça, on lève la main, on prie sur le pain. Et là, il y a des morceaux de pain découpés. Où est-ce que les catholiques ont fait comme mauvais? Où est-ce que les pentecôtistes font comme mauvais, n'est-ce pas? Alors, si vous avez mangé dans les œufs chez les catholiques, si vous avez goûté la sauce de l'église catholique, vous allez chez les protestants, vous goûtez pour les protestants, vous allez chez les pentecôtistes, vous en avez goûté aussi. Sorcellerie après, sorcellerie. D'avance? Voilà. Donc, nous sommes dans 1 Corinthiens 11. Regardez bien ce qu'ils ont dit. Donc, nous sommes au verset 25. Allons-y, continuons encore là. Verset 25 encore. La suite. Donc, prenons encore verset 24. Et après avoir rendu grâce. Après avoir rendu grâce, il le rompit. Donc, nous voyons effectivement qu'il a rompu après avoir rendu grâce, n'est-ce pas? Et dit, oui. Ceci est mon corps qui est pour vous. Qui est rompu? Qui est pour vous? Oui, ça, la version là, oui. Faites ceci en mémoire de moi. Donc, ça veut dire que si on ne fait pas ça, on a se fait une autre mémoire. Parce que la célébration, ça veut dire qu'on a des faits. Quand vous faites quelque chose en commémoration, vous faites ce que la personne a fait. Vous avez célébré ce que la personne a fait, ou bien encore vous avez réitéré ce que la personne a fait dès le départ, pas vrai? Mais là, c'est un commandement que Jésus dit. Il dit que faites donc ceci. Quoi? Ceci. Ça veut dire que c'est que je suis en train de faire. Faites donc cela en mémoire de moi. Donc faites ça pour vous souvenir de moi. Vous ne pouvez pas donc faire quelque chose pour te souvenir de quelqu'un en faisant quelque chose qu'il n'a pas fait. Ce qu'il n'a pas fait. Parce qu'il s'est dit, faites donc ceci. En mémoire de moi. Continuons. Pardon. De même après avoir soupé, je suis rentré en arrière. Oui. Il a pris la coupe et dit. Stop. Les phrases sont importantes parce qu'il faut qu'on aille vraiment doucement. Maintenant, tout en étant de dire qu'après avoir coupé les petits morceaux de pain, il y a un corbeil. Généralement, c'est une personne qui passe avec le corbeil pendant que l'on allait passer avec le petit coussin. Sur le plateau comme ça, là, les soeurs ont enfilé, ils sont en blanc en haut et en noir, bien scintillés. C'est le jour-là où tout le monde est propre à l'église. Tous les anciens, leurs blancs, c'est bien scintillés, ils sont allés au pressing. Pas vrai? La chorale chante avec le tour. Le pasteur, généralement, en touche ce jour-là parce que c'est un jour solennel. C'est la touche pour la fête pascale. Parler des sorcelleries. Et puis maintenant, quand on passe comme ça, on te met ça, tu prends un pain. Tu me prends. La prochaine personne prend, il te donne ton pas de coussin, tu bois le coussin. Pour les autres, les vins rouges. Pour l'autre, le grenadier, parce que le grenadier tend vraiment le sang de Jésus. Il boit, après il conclut. Quand tu es là, pendant qu'on est parlé, tu es sérieuse que tu as pris la coupe. Mais la Bible, elle dit, de même, écoutez bien, après avoir soupé, on prend la coupe après avoir soupé. C'est l'ordre-là qui est là-bas. Souvenez-vous, il a dit, fait ceci à mémoire de moi. Un, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Après avoir rendu grâce, le rompit et donna à ses disciples. C'est ce qu'on a lu. De même, après avoir soupé. Donc, on prend la coupe lorsque la nourriture est terminée. Amen. Donc, vous voyez comment c'est simple, comment les saintes écritures sont simples, n'est-ce pas? Parce que vous posez la question, comment est-ce qu'on célèbre la sainte écriture? Voilà comment on célèbre. Maintenant, quand cette personne vient avec la coupe, avec le bout du pain, elle te donne, après elle te donne le truc. Vous voyez qu'il y a un intervalle qui sépare le pain de la coupe. Les catholiques, ils n'ont pas le temps à faire, ils ont mis tout ça dans le même verre. Donc les catholiques ont ces problèmes. Il a transmis ces problèmes-là aux gens. Les gens ont essayé de métamorphoser les problèmes pour ajouter des problèmes sur les problèmes. Le vrai problème, c'est que personne n'est jamais rentré dans les saintes écritures pour dire, ok, Moteur, comment on a voulu servir ce que Jésus a fait? Comment il a fait? Regardons ce qu'il a fait. Faisons comme il a fait. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Ne faites-vous pas ce que j'ai dit. On a déçu des traditions que les hommes ont instituées au lieu de suivre ce que la Bible a dit. Ouais, je recommence encore. Je fais chaque fois. Un, c'est le soir, pas vrai? Deux, c'est autour d'un repas. C'est assimilé. Trois, on commence par prendre du pain et rendre grâce. C'est pour le célébrant, c'est le célébrant qui va faire. Pour Christ, c'était Christ qui était le célébrant là-bas. Alors, il rend grâce au pain avant de le rompre. On ne rompt pas le pain avant de venir rendre grâce sur le truc qu'on a couvert sur le blanc blanc. D'accord? Deux, on n'a pas dit Jésus qui avait porté une toge solennelle. Les disciples ont dit en blanc blanc. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas une imposition par rapport à l'habillement solennel de la solennité. C'est une fête tout simplement, n'est-ce pas? Maintenant, on dit après avoir soupé de même. Je pense ceci parce que la personne qui vient d'expliquer n'était pas présente. Et il dit c'est Jésus qui lui a dit. Jésus lui a donc dit à quel moment il a pris la coupe. Que c'est la coupe avait été prise quand le rompu était terminé. N'est-ce pas mes soeurs? De même après avoir soupé. Je crois que vous comprenez moi. Après ça dit que quand c'est passé non? Après avoir soupé. Nous, le souper c'est la nourriture du soir non? Donc après avoir mangé totalement la nourriture du soir, c'est là où Jésus a pris la coupe. Maintenant, on te donne le pain comme ça, tu prends. Oui. Vous célébrez la Sainte Seine là. En faisant ça, c'est la Sainte Seine qu'on célèbre. Non. Pointe quelqu'un maintenant. Pointe quelqu'un. Allons-y. Tu dois célébrer comme la Bible le dit. Tu dois célébrer comme la Bible dit. Sinon, tu n'es pas en train de célébrer la Sainte Seine de la Bible. Sinon, tu n'es pas en train de célébrer la Sainte Seine de la Bible. Voilà. On avance. Ne pensez pas que quand il veut prendre les Saintes, il va aller prendre les doctrines quelque part. Ça se trouve là-dedans. Nous lisons tout simplement et nous comprenons tout simplement ce qui est dit. Vous voyez, le Saint-Esprit insiste sur le fait que Jésus l'a transmis à l'apôtre Paul en disant qu'il réitère cela de la manière qui s'est passé le soir. Remarquez que le Seigneur n'est pas venu de façon spécifique parler que j'ai pris du pain, j'ai pris le vin, je l'ai redonné. Pour dire que le Saint-Esprit, c'est le vin et le pain. Il est allé dans les détails. L'heure, à quel moment tel événement s'est passé. Et vous rentrez donc dans Marc chapitre 14, Matthieu 26 que vous avez noté, Luc chapitre 22. Et ajouté à cela, Jean chapitre 13, vous allez voir que tous ces événements que l'apôtre Paul a parlé, c'est comme ça que ça, dans les détails, comment ça s'est passé. Pas vrai? Donc ça dit qu'il n'y a pas de dislocation entre les disciples. Ça suppose donc que quand l'apôtre Paul enseignait par révélation quelque chose, les pieds qui ont vécu la chose appliquaient cela parce qu'ils avaient vécu. Mais Paul, lui, c'est pas la suite que le Seigneur lui a expliqué comment ça se passe. Donc il a enseigné de ce côté, il était enseigné que si les disciples que Paul avait rencontrés et enseignés, et les disciples que les pieds et autres avaient rencontrés et enseignés se rencontraient, ils se complétaient. Ils voyaient tout simplement qu'ils sont de fait la même chose. Parce que celui qui leur a dit physiquement a dit à celui-ci après la révélation la même chose. Donc les apôtres, le simple fait que chez les catholiques, c'est d'une façon. Chez les protestants, d'une façon. C'est les pentecôtistes d'une certaine façon. C'est les évangéliques d'une certaine façon. Vous devrez vous poser des problèmes. Ça devait poser des problèmes. Que celui-ci dit que j'allais avec le vin de messe. Celui-ci avait le foléré. Celui-ci avait le sujet. La question c'est, Jésus a célébré avec quoi? Posez la question, ayez la réponse et faites comme il a dit. Il y avait la grenadine au temps de Jésus. Point quelqu'un dit, tu as bu la grenadine. C'est le sang de la sorcellerie. Le sang de la sorcellerie. Voilà. Donc, parce qu'il n'y a pas de grenadine là-bas, pas vrai? On avance. Mais non. Oh, mais je m'arrête alors. Non, c'est bon déjà, n'est-ce pas? Bon, papa. Ok. Il dit donc, de même, après avoir soupé, il prit les coupes. La coupe. Donc, ce n'est pas beaucoup de gobelets, n'est-ce pas? C'est quoi? Une coupe. Une. Tous les disciples boivent dans la même. Parce qu'ils ont pas la même souffrance. La même communion du sang de Jésus. D'accord? Donc, il n'y a pas plusieurs coupes. c'est plus de quoi, ça dit plus de Dieu. Pas étonnant que plus de Dieu sont pleins dans l'église aujourd'hui. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Ils prient la coupe. Parce que la personne boit et donne à l'autre. L'autre boit, donne à l'autre. Ils se font parcourir cette coupe-là tout autour. Vous entendez? Chacun son gobelet. Vous dites maintenant que c'est quoi? Pourquoi tu donnes le gobelet? Il dit non. Parce que quelqu'un peut avoir la tuberculose. L'autre, le sida. Il boit, il donne mon sida. Donc, c'est vrai, on dit que Dieu ne savait pas qu'un jour quelqu'un va avoir la tuberculose plus tard. En lui donnant la coupe. Donc, parmi les disciples là, s'ils avaient l'autre avait le taux, il avait dit que Jésus ne boit pas ta coupe parce que j'ai la toux, il ne veut pas contaminer Pierre. Vous voyez qu'il nous faut la délivrance, c'est pas vrai? Il prit la coupe. Parce que la coupe c'est au singulier. Le pain c'est au singulier. Parce que ça a une explication. Il prit la coupe. Après avoir, continuons maintenant. Que Dieu vous bénisse vraiment. Amen. Il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Oui. Faites ceci en mémoire de moi. Deuxième fois qu'il a institué ça, pas vrai? Toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Donc, ça c'est le Saint-Esprit qui parle. Donc, chaque fois qu'on célèbre la scène, on avait fait quoi? On annonce la mort du Seigneur. On se souvient de la mort en annonçant la mort, en disant que nous attendons qu'il vienne. Effectivement, qu'il est mort, il est retourné et il arrive, pas vrai? Nous nous souvenons de cette mort. Parce qu'en réalité, comme le type de la Pâque de l'Égypte, souvenez-vous, la Pâque, le mot comme vous appelez Pâque en français, ça n'a rien à voir avec la Pâque catholique, les Pâques catholiques, parce que Pâque catholique, c'est avec S. Pour eux, c'est la sorcellerie. La Bible ne parle pas de Pâques avec S, d'accord? Pâques avec S, c'est chez les catholiques, ça se trouve. La Pâque dont la Bible parle en Exode 12, c'est la Pessa. En hébreu, c'est la Pessa. Pessa, ça veut dire passer par-dessus. Amen. Passer par-dessus. Parce que dans le livre d'Exode, chapitre 12, il était question que Moïse prenne le sang et mette sur le linteau de Paul. Et que quand le destructeur passerait par-dessus, il verra le sang. Oh mon Dieu, vous parlez des types là maintenant. Il verra le sang sur le port. Donc, quand le Seigneur passer au-dessus, il ne veut pas savoir si tu es hébreu, si tu es petit, si tu es grand. C'est le sang qui était le symbole de la rédemption. Amen. Voilà cela. Donc, si tu avais oublié de mettre dans la maison que non, moi je suis juif, Dieu connaît, il donne mes dîmes, il donne mes dîmes. Quand il passe une fois par le sang, tu entends la mort seulement dedans. Pas vrai? Vous voyez le type avec le sang de Jésus, n'est-ce pas? Donc, ah non, je donne mes dîmes, je donne ceci. Est-ce que le sang de Jésus a été appliqué pour tes péchés? Si tes péchés sont pardonnés au nom du Seigneur Jésus-Christ, le problème est réglé. Si ce n'est pas pardonné au nom de Jésus-Christ, tu en défaites, tu en découvres dans le sac. Maintenant, donc la paix, ça, passer par-dessus. L'action de passer par-dessus a été marquée pour les Juifs que lorsque le sang a été positionné sur vous, le destructeur est passé par-dessus et donc Dieu s'est mis à part cette personnalité-là, cette groupe de personnes-là pour eux. Donc la Pâque, donc, c'est la célébration en souvenir du fait que Dieu les a délivrés de la servitude avec cela. Pas vrai? Amen. Maintenant, ça c'est le type dont la servitude, dont on parle là-bas, c'est le type de la servitude du péché. Le monde est dans la servitude du péché, était dans la servitude du péché. Christ notre Seigneur est venu, il est passé par-dessus la croix en imposant le sang donc sur nous. N'est-ce pas, mes chers? Et par conséquent, maintenant, pour que Christ regarde, Dieu regarde la terre, sur quelque jugement que ce soit, sur quelque angle que ce soit, il veut simplement regarder si le sang de Jésus a été appliqué sur notre vie. N'est-ce pas? Ok, donc, ça veut dire que le type, la Pâque là, était un type donc de la mort sacrifiée de Christ Jésus pour la protection et la rédemption de ceux qui étaient sous sa protection. Pas vrai? Voilà. Écoutez très attentivement. Que dirons-nous donc si quelqu'un dit, comme Dieu a dit que c'est le sang qu'on devait mettre, il faut prendre la peinture rouge? Parce que l'essentiel, c'est que ce soit rouge. Il s'en sortirait, frère? Non. Le pigeon, on manque de bouc et l'agneau ici. Mais le sang est rouge, non, oui. On peut prendre pour le porc. Le sang du porc est rouge, n'est-ce pas, frère? Le sang du porc est rouge. Le sang de la poule est rouge. Tout le corps est rouge. Mais Dieu a dit l'agneau. Oui, l'obéissance, n'est-ce pas? Dieu a dit. L'agneau. En tout cas, si quelqu'un prenait pour le sang de coq, il mettait là-bas. Ça devait résoudre le problème. Non. Voilà. Parce qu'il dit le sang de l'agneau. Donc Dieu est méticuleux là-dessus. D'accord? Donc la Pâque donc devient donc un symbole de la mort et de la résurrection. Pour la protection, ou mieux encore la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis. N'est-ce pas? Alors la Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 11 à 13, que Christ, le verset 13 particulièrement, que Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc la Pâque, qui était un événement, est finie par, dans l'Ancien Testament, par devenir l'agneau pascal, l'agneau. L'agneau était appelé la Pâque, l'agneau. La fête de la Pâque, la fête totalement était appelée la Pâque. Et l'agneau est finalement appelé la Pâque, parce que c'est lui dont il est question. De la même façon, ce que nous allons célébrer, vous célébrez ici, mais la Bible nous déclare que Christ, notre Pâque, Christ est la Pâque, parce qu'il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donc, Christ est la Pâque, nous célébrons la Pâque dans cette fête de la rédemption. Et ici, il dit, si nous le faisons, chaque fois, on annonce la mort de Jésus, jusqu'à ce qu'il vienne. C'est-à-dire qu'en clair, on a des souvenirs que c'est à cause de sa mort que nous savons la rédemption, et nous sommes dans cette attente-là qu'il vient nous chercher. Vous avez moi, hein? Voilà. Je crois que, de façon sommaire, c'est bon, n'est-ce pas? Si vous avez des questions, posez avant que je n'avance. Alors, ça n'est que, en tout cas, ce qu'on a fait, c'est que vous avez lu dans les Saintes Écritures. Ça n'est toute autre façon de faire, en dehors de ce qui est écrit là, ce n'est pas la part du Seigneur. C'est ça, non? Mm. Alors, je vous pose la question, moi, je vous pose la question. Vous avez mangé quoi depuis alors? Dans le passé. Dans vos marges religieuses. Est-ce que vous avez mangé? Puisque dans 1 Corinthiens 11, il dit que celui qui mange et boit, et qui ne juge pas lui-même pour être digne de s'approcher de cette table-là, mange et voit le jugement contre lui. Et il explique que c'est pour cela que beaucoup de personnes sont estropiées, des aveugles, quoi, et d'autres sont morts. Donc, s'approcher de la table du Seigneur sans juger exactement ce que nous sommes en train de faire pour pouvoir bien s'approcher, c'est la mort qu'on est en train d'aller. C'est ce qui est écrit, non? Mmh. Ok, maintenant, je vous pose la question. Ici, Paul dit que c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup des estropiés, c'est-à-dire que des aveugles, même des gens qui ont des maladies. Donc, les gens étaient malades au milieu chrétien, ne sachant pas quel était le problème. Juste à ce que l'apôtre Paul vient par cette lettre, il dit, d'autres personnes qui sont mortes parmi vous, c'est à cause du fait qu'ils sont mangés là sans en juger. Où est la dangerosité? Là, on a essayé de diriger. Ça suppose que si on restaure la chose comme il se doit, il faut que chacun mesure bien s'il est digne de manger là-bas. Vous me suivez, mes frères et sœurs. Donc, si quelqu'un mène une double vie, avant de s'aventurer, il faut s'aventurer en sachant de où il en est. Parce que la Bible déclare que ces gens-ci de Corinthe faisaient la Sainte-Sainte chaque année. Et chaque année, pendant qu'ils faisaient, en tout cas, au chapitre 5, vous voyez comment les gens vivaient. Au chapitre 5 de 1 Corinthiens, je vous ai donné également cela. La façon qu'ils vivaient au point où un homme a la femme de son père. Et ils étaient au milieu de l'église, ils faisaient comme ça là. Un jour, j'entends que quelqu'un comment être estropié. Après, ils font ça, on prie, la personne meurt. Juste sur le Saint-Esprit dit à Paul que les morts qui étaient au milieu de vous, c'était à cause du fait que vous ne discerniez pas le corps de Christ. Mais qu'est-ce que les gens, au lieu d'enseigner comme ça, nous disent aujourd'hui? On dit plutôt que non, tu peux avoir le sida, tu manges la sainte, c'est le corps de Christ, ça te guérit. La Bible ne parle pas que le corps de Christ l'a guéri. Non. La Bible dit que ça tue plutôt. Ça casse les pieds. N'est-ce pas, mes frères? Et la main. Donc, ça veut dire que vous mangez, vous buvez. Vous participez à la table du Seigneur sans discerner ce que vous en avez de faire, c'est jugement. Il n'y a pas de verset qui dit que si vous allez là-bas, vous allez avoir la guérison. On dit, je ne suis pas là-bas, mal, ça te tue. Mm. Et le pasteur dit, je dis que non, la puissance qui est derrière la Sainte-Sainte, il n'y a pas de puissance derrière la Sainte-Sainte. C'est la fête. C'est la commémoration du sang sacrificiel de Christ Jésus. Il n'est pas dit nulle part dans un verset biblique là-bas que ça guérit. Parce que la Bible déclare que ce n'est pas ces maîtres-ci que nous sommes. Nous sommes guéris. Pas par la Sainte-Sainte. Mm. Vous savez, moi, je crois que j'ai terminé, non? Des questions? Donc, vous voyez qu'on ne boit pas la coupe en mangeant le pain. On ne mange pas le pain et puis on boit la coupe. On mange le pain, on mange, puis on boit la coupe. N'est-ce pas, frère? Mm. Dieu vous bénisse. S'il n'y a pas de questions, alors j'ai terminé. J'ai déjà dit, voilà, tout est là, j'ai dit, inclus, c'est ce que l'on dit dans l'Ange chapitre 13. J'ai dit, oui, le moment. Mmh. Dans l'éclaircissement de. Vous avez. Parce que se poser toujours la question, il ne faut pas qu'il parte, vous allez dire autre chose qu'il n'a pas dit. Je vous ai dit, t'as 5 minutes, moi, quitte-moi la scène. Oui, maman. Moi, je rends grâce à Dieu parce que le Seigneur nous a fait passer par ce chemin depuis 2005. Mmh. Et je veux poser la question ici. En dehors de la grenadine ou le foleret, comme tu as dit, qu'est-ce qu'il faut prendre? Bonne question. Non, c'est pas moi qui dois dire ce qu'il faut prendre. Nous devons poser la question. Qu'est-ce qu'eux, ils ont? Ils ont pris. C'est ça qui est la question. Alors plutôt dans la Bible. D'accord? Parce qu'il ne faut pas qu'il vienne ajouter ma part. Il a fait des mesures. Les anciens enfants de cœur, vous, quand vous buvez ça, quand vous allez déposer, tu bois ça encore en cachette. Vous buvez. le vin de messe. Chez les témoins de Jéhovah, c'est encore très grave. Ils mettent ça là-bas devant ça, la coupe et le truc, la commémoration de la mort du Seigneur. Ah, mais comme ça, personne ne prend. On dit que ce sont seulement les 144 mais qui doivent prendre. Vous voyez la sorcellerie, non? Ils organisent, ils cimentent, ils viennent la veille. Ils annoncent, ils mettent les peintures, ils mettent les tapis, ils mettent tout, ils mettent un gobelet là-bas, ils déposent. On dit qui veut prendre? Personne ne prend. Après, fini, ils partent verser. Je ne sais pas dans quel moment on se retrouve ici. Parce qu'il faut qu'on dise que ce sont les 144 mais seulement qui doivent prendre. Voilà les problèmes que nous avons. Verset 26 du jeu. Matthieu 26, verset 26. Je vais faire une apostrophe ici pour vous expliquer donc quelque chose. Mais je vous en supplie, prenez, il y a des enseignements concernant cela. J'en ai parlé cela à la radio, j'en ai parlé ça partout, en Côte d'Ivoire, partout. Il y a ça, les enseignements, prenez le temps d'écouter. Matthieu 26, verset 26. Vous y êtes tout le monde? Qu'est-ce que ça dit? Pendant qu'il mangeait, oui. Jésus prit du pain, oui. Et après avoir dit la bénédiction, oui. Il le rompit et le donna aux disciples, oui. En disant, oui. Prenez, mangez, ceci est mon corps. Oui. Et, pardon, il prit ensuite. Ça c'est 27. D'accord, on va continuer. Verset 29, c'est surtout là où je vais s'en aller. Allons-y. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang. Oui. Le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup. Stoppons d'abord là-bas et commentons quelque chose. Je veux toute votre attention. Donc, quand notre Seigneur est en train de parler, après avoir rendu grâce, il tient entre ses mains une coupe, pas vrai? Et dans cette coupe se trouve un liquide. Le problème là, c'est de savoir quel style de liquide se trouve à l'intérieur. Le Seigneur tient ce liquide entre ses mains. Lorsqu'il a, il dit que ce liquide, c'est une représentation de son sang. C'est une représentation de son sang. Il dit que ce sang qui est versé pour le monde entier, n'est-ce pas mes frères? N'est-ce pas mes frères? Donc Jésus n'a pas besoin de son sang pour tout le monde, n'est-ce pas? C'est écrit quoi? Qui a parlé comme ça? Bon, comme nous sommes trop forts, nous voulons sauver tout le monde entier pour Jésus. Lui dit que lui, il a versé par rapport pour certaines personnes. Comment vous me regardez comme ça là? C'est pas ce qui est écrit là-bas. Hein? Pour beaucoup d'hommes. Il n'a pas fait la. Jésus connaît comment on dit tous les hommes, pas vrai? Mais il a dit pour beaucoup. Dans le sang là, la représentation qui est à l'intérieur, lui et ce qu'il va faire à la croix, dans les nuits, la nuit et dans la journée, c'est pas pour tout le monde. C'était un parenthèse seulement. Que Seigneur sauve mon pays, sauve tout le monde, que tout le monde soit sauvé, tu parles. Voilà, de toute façon, restons sur le liquide qui est dedans. Donc, ce liquide qui est dedans est une représentation de son sang. Et le sang de Jésus est sans tache, sans péché. N'est-ce pas? Et donc, ce liquide donc, a une représentation de son sang à lui qui est à l'intérieur. Observons le sang de Jésus et observons notre sang. Vous y êtes. Quel est le problème avec notre sang? Elle a arrêté le péché. Quelle est la bonne nouvelle avec son sang? Le sang de Jésus. Le sang est? Ou encore? Sans péché. C'est-à-dire quoi? C'est le sang du juste. Amen. Donc un sang juste doit justifier le sang, le coupable, dans les injustes. N'est-ce pas? C'est-à-dire quoi en clair? Le sang de Jésus est le symbole même de la justice. Amen. On y va? L'emblème même de la justice. Parce que sans effusion de sang, il ne peut pas avoir de pardon. Il faut que le sang soit versé. Mais quel style de sang doit être versé? Personne ne pourrait pas le faire. Il faut que quelqu'un qui soit juste. Parce que la Bible déclare qu'il est notre justice. N'est-ce pas? Wow. Ok, maintenant. Ça veut dire que ce qui se trouve, notez, merci Père, notez le livre de Ésaïe chapitre 5. Je vous aime. Je vous aime. C'est merveilleux ces choses de la Sainte Écriture. Ce qui est dans la coupe là, il faut qu'on l'observe. Si on l'observe pas, on sera de quelque chose. Gardez-vous à l'esprit maintenant. Là, c'est une chose que j'ai parlé du sang là maintenant. Parce que sa condition, ce qui est dans la coupe là. Maintenant, notez Jean chapitre 2 aussi. Jean chapitre 2. Jean chapitre 2. On y va. Regardez-moi. Quand vous demandez à un soula que ne fais pas telle chose, qu'est-ce que tu dis? Quand quelqu'un boit, il dit que le premier miracle de Jésus, enfin, tout le monde connaît le premier miracle de Jésus. C'était quoi? L'eau en. Allez dans Jean chapitre 2 là. Jean chapitre 2, rapidement. Ne fermez pas ce livre, on n'a pas terminé ici. Dans Matthieu chapitre 26. On se arrêté au verset 28. Il faut que nous lisions verset 29. Et puis je vous laisse. Parce que je m'en vais encore quelque part. Jean. Le premier miracle de Jésus. On dit c'est fait à Cana. Que Jésus transforma l'eau en vin. Tel fut le premier miracle, n'est-ce pas? Et ses disciples le vit et crut en lui. Pas vrai? Vous y êtes, il veut que vous voyez quelque chose. Waouh! Maintenant, verset 1, qu'est-ce que ça dit, madame? Trois jours après, il y eut des noces à Cana, oui. En Galilée. Oui. La mère de Jésus était là. Oui. Et Jésus fut aussi invité à haute voix. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Oui. Le vin ayant manqué. Stop, entouré vin. Donc à cette noce-là, le vin avait manqué. N'est-ce pas? Et il y a une intercation entre sa maman et autre là-bas. Et puis, il va finir par transformer l'eau en vin dans les six jars qui étaient là-bas, n'est-ce pas? Et puis, quand l'ordonnateur de repas a goûté à ce vin-là, il a dit, généralement, on donne de bons vins aux gens, et puis les gens quand ils sont sous, avant qu'on donne le mauvais pour que les gens ne voient pas le mauvais vin qu'on a donné. Mais tu as donné le mauvais, et ceci, ce qui est bon, tu as gardé jusqu'à la fin, ils ne savent pas que c'était juste qu'il avait fait. Maintenant, ici on parle du vin, n'est-ce pas? Vous allez voir, on est en train d'aviner maintenant. Vous avez noté Ésaïe chapitre 5, n'est-ce pas? Rendons maintenant dans Matthieu chapitre 25, chapitre 26, où nous étions. Matthieu chapitre 26. Nous voulons voir la nature de ce qui est écrit dans. Ce qui est dans la coupe que Jésus tient à main et qui dit que c'est la représentation du sang d'une nouvelle alliance. N'est-ce pas, mes chers? Rentrons dans Matthieu chapitre 26. Nous étions là-bas. Il était question qu'on lise quelque chose au verset 29. On parle du verset 26 et c'est arrivé au verset 28. Donc, on continue. Verset 29. C'est ça? Oui. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne. Stop. Souligner fruit de la vigne. Donc, notre Seigneur tient entre ses mains. C'est lui qui nous donne le renseignement de ce qui se trouve dans la coupe. Donc, il dit, on dit au parti verset 26, il dit même après avoir soupé, il prit la coupe. Et après avoir rendu grâce, il le dit, prenez et buvez-en tous. Cette coupe, donc, sous-entendu, c'est qu'il tient à la main. Cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang qui est versé pour plusieurs. Pas vrai? Et puis il leur explique maintenant que je vous le dis, je ne boirai plus de ce vin. N'est-ce pas? Amen. De ce vin. Je ne boirai plus de ce vin. Amen. Vous m'étonnez vraiment ici? Si il dit amen, c'est pas ça. Parce que Jésus a dit quoi? Qu'il ne boirait plus de ces vins-ci. Non. Il a dit quoi? De la vigne. Le fruit de la vigne. Le pourquoi Jésus a fait venir dans Jean, c'est pour faire montrer que la terminologie vin était connue. Il savait qu'on parle du vin. Mais ici, Jésus n'a pas parlé du vin. Il a parlé du fruit de la vigne. Donc c'est différent de ce qui est dans Jean chapitre 2. En fait, quand vous lisez dans le livre de Matthieu, là nous sommes dans Matthieu, vous lisez maintenant dans le livre de Marc, vous lisez dans le livre de Luc, il n'y a nulle part où on parle de vin, c'est toujours fruit de la vigne. Donc, Dieu a fait un signe qu'il n'y ait plus de confusion là-dessus. Alors maintenant, autre chose maintenant, c'est qu'il dit, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne. Il dit quoi? Il continue en disant quoi? Pardon. Tu as encore fermé, vous voyez? Écoutez bien, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau, oui, avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. Ça nous donne encore davantage de renseignements. Donc Jésus dit, comme je bois ça, c'est la dernière fois. La prochaine fois qu'on va encore boire ça, c'est dans l'eau. Royaume. On va se calmer maintenant doucement et on va se poser des questions. Au ciel, y aura-t-il l'alcool? Non. Répondez sincèrement. Donc aussi, il n'y aura pas d'alcool. Parce que Jésus nous donne le renseignement que ce qu'ils ont bu là, ce fruit de la vigne, ils vont encore boire ça encore dans le royaume du ciel la prochaine fois. Il veut dire, c'est terminé pour moi sur la terre. Il veut boire ça, au ciel qu'on va boire. En fait, la Bible nous explique qu'on os, on va boire ça. Pas vrai? Ok, je pose la question. Allons-y doucement. Ça se pose donc que Jésus nous donne le renseignement là sur la nature de ce qui est dans la coupe. N'est-ce pas? On va revenir avec le sang maintenant tout à l'heure pour voir ce que la Bible dit par rapport à cela. Alors la question c'est, dans la coupe, Jésus dit qu'il va encore boire la prochaine fois, c'est quand? Au ciel. Y aura-t-il l'alcool là-bas? Non. Parlons-nous donc de l'alcool, comment ça s'obtient déjà? Comment le vin alcoolisé s'obtient? La fermentation est faite à cause de quoi? Donc le sucre est comme ça. Bon, quand vous mettez le sucre à la maison, ça se ferme. Hein? Non. Bon, dites-moi donc. À cause du mélange. Donc c'est mal le sucre dans mon tapioca, ça se ferme, frère. Dites-moi. On laisse pourrir. Et quand on va pourrir, qu'est-ce qui produit cela dedans? Les l'astico. Eh, maman, comme tu sais. C'est l'astico. Dites-moi, qu'est-ce qui fait fermenter? Le temps que ça met pour... Là, c'est ça, le temps, c'est qu'on dépose. Mais qu'est-ce qui est derrière, qui enclenche la fermentation? Les bactéries. C'est simple. N'est-ce pas? Y aura-t-il des bactéries au ciel? Non. Donc, il n'y aura pas la fermentation au ciel. Et on revient dans la coupe. Maintenant, donc, Jésus dit, cette coupe, je ne la boirai plus. De ce fruit, il a dit, de ce, il veut nous dire ce qui est à l'intérieur. Donc ce qui est à l'intérieur, c'est le fruit de la vigne. Je ne boirai plus, là, parce que c'est le dernier fois, parce qu'il n'y aura pas le temps de le boire, il sera en train de souffrir seulement là-bas, n'est pas vrai? Mais je vais en boire encore avec vous. Il a bien dit, avec. Donc quand vous allez boire là, ce n'est pas la dernière chose. On va encore boire cela la prochaine fois. Donc le Seigneur Jésus nous a dit clairement que ce qui est à l'intérieur contient l'alcool ou ça ne contient pas l'alcool. Maintenant, sur quelle base on prend ça avec l'alcool aujourd'hui? Dites-moi donc. La fermentation, le fait que la bactérie entre, c'est pour montrer effectivement la décadence et la pourriture, pas vrai? Maintenant, il dit que cette coupe-là, c'est une représentation de son sang. Donc son sang est pourri. Donc son sang a le péché. Non. Son sang donc a des problèmes. Non. N'est-ce pas justement pour sauver de la fermentation et la décadence de la terre qu'il est venu pour donner son sang parfait? Amen. C'est pour cela que vous continuez à parler avec le foleret, avec les grenadines, avec les vins, avec tous ces gandias, pour montrer clairement qu'on a des pécheurs. Mais lui, il n'a pas fait comme ça. Je crois que la Bible devrait être simple. Allons dans Matthieu, dans l'œil d'Esaïe, chapitre 5. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gardez-vous à l'esprit que ce que vous buvez, vous en avez dit que vous allez boire ça aussi, parce qu'on a dit que, il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Il a dit que chaque fois que vous allez faire, vous allez annoncer ce qui vient. Et quand vous allez venir au ciel, quand tu es allé, je crois que si tu es dans ta table, si tu buvais la grenadine sur la terre, tu vas trouver ta grenadine là-bas. Puisqu'il a dit qu'il va en boire encore de nouveau. Quand tu vas venir à ta table et servir, tu vas voir le foleré là-bas. Tu vas dire, hey, Seigneur, même ici il y a le foleré. On y va. Lisons à partir du verset 1. Vous savez ce qui est bien? J'ai fait l'effort chaque fois de venir au milieu de vous sans ma Bible. Pour que vous lisez dans votre Bible. Comme ça, si vous rentrez à la maison, si vous voulez jeter, c'est votre Bible. Parce que je ne prendrai pas une écriture en train de lire. Parce que ça se trouve ici. Maintenant, si c'est dans mon cœur, je dis seulement que lisez dans votre Bible. Vous lisez. Comme on a dit dans l'autre cas là de la disruption, si vous ne soyez pas d'accord. Dis, il y a le fruit de la vigne. Mais moi, je mets la grenadine. Mais moi, en tant que serviteur du Seigneur, je dis que tu ne serais pas la sainte sainte de mon Seigneur Jésus. Vous y êtes? Parce qu'il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Il n'a pas dit, faites ceci en tes souvenirs de tes parents, ni de ton église. Il a dit, en son souvenir. C'est son sang qui a été versé. Et il a pris les éléments clairs pour pouvoir le montrer. D'accord? Voilà maintenant. Nous allons lire à partir du verset 1 du chapitre 5 d'Esaïe. Nous allons lire doucement. Maintenant, s'il vous plaît, soyez vraiment concentrés parce que on parle en langage des prophètes ici. Et je suis obligé de m'arrêter chaque fois pour vous les expliquer et vous poser des questions. Allons-y. Or, donc, je chanterai à mon ami le chant de mon bien-aimé sur sa vigne. Donc, c'est un cantique concernant la vigne. Vous connaissez la vigne, n'est-ce pas? Mm-hmm. La vigne, c'est un champ où on cultive, où on fait sortir du vin, n'est-ce pas? Oui. Donc il dit que c'est un chant. Il dit que c'est un cantique sur le chant de son bien-aimé sur sa vie. Continuons la lecture. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Donc, pour vous qui allez au champ, vous pouvez comprendre ce qu'il en est. En tout cas, remplacer un peu même par caféier ou bien par quoi, ça vous comprendre. Donc, sur un coteau fertile, un flanc, il a semé des choses là-bas. Et le coteau était fertile. Donc, imaginez donc que vous avez dit que c'est le pamplemoussier ici. Vous avez le champ du pamplemoussier, vous avez semé dans un champ et le champ est fertile. D'accord? Allons-y. Il la défonça, ôta les pierres, et y planta un cépage délicieux. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas votre version, d'accord? C'est une version difficile, c'est des anciens français. Il bâtit une tour au milieu d'elle. Oui. Il y creusa aussi une cuve. Oui. Donc, normalement, quand on fait le champ de vin, on prend le soin d'avoir des cuves pour recueillir des vins quelque part pour pouvoir travailler, extraire. Et là, vous commencez à comprendre qu'il a de parler aux gens qui cultivent ici. Et ce qu'il a de dire, il est en train de dire quelque chose qui représente. Donc, ces éléments de la nature étaient une représentation. N'est-ce pas? C'est ça, non? Voilà. Allons-y. Puis, il espéra qu'elle produirait les raisins. Donc, les bons raisins. Entourés bons raisins. Donc, en tout cas, quand vous investissez, regardez les bananiers, je vois les bananiers là-bas. Quand vous avez un champ de bananiers, vous allez vous faire du travail, vous mettez des végétaux au sol. Vous avez espéré que ça va produire bon régime. Parce pour ce qui est des bananiers. Quand il fait ça avec la vigne, il espère quoi? Bon raisin. Encore, il espère? Encore. Encore. Parce qu'on a une conséquence avec ça tout à l'heure. Les bons raisins. Alors, je continue. Non. La version là, qui va l'ici? Tu peux l'ici, mon cher papa. Merci beaucoup, d'accord? Parce que là, on a des difficultés là. Oui. Maintenant donc. À autre, mon cher. Maintenant donc. Oui. Je suis de ce toi. Oui. Habitant de Jérusalem. Oui. Et homme de Juda. Soyez juge entre moi et ma vigne. Donc, ça veut dire que Dieu avait sur la terre un terrain de vigne où il attendait la boisson, pas vrai? Comment vous me regardez comme ça, vous riez? L'ivresse, de façon livresque, c'est ce qu'on a dit. Donc vous comprenez, c'est comme un être humain qui a un vaste territoire. Et donc là-bas, il espère de bons raisins. Parce qu'on ne peut pas investir à perte. Non. On investit pour avoir une récolte, pour profiter. Quand vous faites un champ de bananiers, vous dites que j'ai 1000 pieds de bananiers, ou de plantains. Vous attendez des plantains de bon régime. En comptant, quand vous faites votre calculatrice, vous dites que j'ai mis 1000 pieds. Attends, quand vous venez vous voir un régime chétif, comme ça, vous dites que celui-ci ne peut pas me servir. Parce que ça veut dire que ce n'est pas dans votre expectative. Pas vrai? Oui. Donc, alors, quand on donne ça sur le plan physique, pour ceux qui font dans le champ, parce qu'en réalité, nous sommes tous issus des champs. Nous sommes tous issus des champs, sans exception. Alors, quand nous sommes issus des champs, c'est pour que nous comprenions le langage de Dieu. Maintenant, quand il va aller dans l'explication, on va commencer à comprendre ce qu'il voulait dire par le champ. D'accord? Allons-y. Qui avait-il encore... Les gens vont dire à haute voix. Même pour le livre, vous lisez toujours comme ça. Qui avait-il encore à ma vie? Donc, parce qu'il a dit qu'il avait creusé là-bas, il a creusé la terre, il a tout fait le sol, bien arrangé. Qu'est-ce qui a manqué pour que le raisin, le bon raisin que j'espérais, ne vienne pas? Dieu vient de se poser la question. J'ai tout fait pour vous. Ça, c'est le champ, ça. Sans être encore entré dans l'explication. Il a dit, le champ, si. Qu'est-ce que j'ai pas fait assez chance pour que le champ s'y le rendement nécessaire, d'accord? Allons-y. Que je n'ai pas fait pour elle. Pourquoi? Quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins. Donc Dieu espérait quoi? Viens t'asseoir pas ici. Tu me lis là. Quoi qu'à ce rythme-là, on va dormir cela. Il dit qu'il veut partir, il me dit de bons raisins. Peut-être la souris de mauvais raisins. Allons-y maintenant. Bon, je reprends au verset 3. Verset 3 encore, une fois de plus. Maintenant donc, oui. Habitants de Jérusalem oui. et hommes de Juda, oui. soyez juges entre moi et ma vigne. Gardez-vous à l'esprit le bon raisin que vous avez entouré, d'accord? Oui. Qu'avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Donc Dieu dit clairement que sa vigne a produit quoi? Qui est le contraire de l'expectation, n'est-ce pas, de l'expectative, de ce qu'il espérait. Donc il y a bon raisin ici, il y a mauvais raisin. Allons-y. Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. Donc il faut ménager maintenant le champ autrement, d'accord? La vigne, c'est-à-dire le champ de vigne là. Donc il va traiter ça autrement. Parce que si ça donne de façon indéfinie, le mauvais raisin, c'est une perte de temps et une perte d'investissement. Alors, il a dit, il y a une réforme à faire à la vie. Il y a quelque chose qui doit devoir être traité. Le champ doit être traité autrement. Maintenant, je vous pose la question, il parle de quoi ici au juste depuis? Des hommes. Quels hommes? Son peuple. Vous applaudissez. vous voyez quand Dieu en a parlé des champs, mais vous comprenez ce que Dieu en a dit. Donc vous commencez à comprendre le langage des dieux. Vous voyez que depuis que j'en ai parlé de vignes, j'ai creusé, j'ai fait, j'ai exploré le vigne, mais vous comprenez qu'il en est pas. Pour. Il dit qu'il va changer encore. Voilà. Vous voyez que vous êtes trop fort ici, que Dieu vous bénisse vraiment. Ça montre que vous comprenez le langage. Bon, maintenant, on va voir dans son interprétation. Donc, il va effectivement dire dans ce sens-là, d'accord? Continuons, mon frère. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. Oui. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Oui. Donc, ça veut dire que, comme on fait la vigne généralement, si vous allez dans un pays européen, particulièrement à Bordeaux, vous allez voir effectivement que dans les champs de vignes, on monte souvent des haies. Il y a les haies, c'est les touffes d'herbe comme ça là. On met les touffes d'herbe tout autour. Vous voyez un grand champ, comme vous êtes dans l'avion, vous voyez effectivement le grand champ. La vigne est tellement taillée. Très beau. À Bordeaux particulièrement. Vous allez à Bordeaux en France, vous allez remarquer cela. Les champs de vignes, on est allé là-bas. C'est là où j'ai appris à bien comprendre Jean au chapitre 15. Où Jésus dit que je suis le cep et mon père est le vigneron. Tout ça manque à moi. Et puis j'ai appelé le frère là-bas et mon frère à Bordeaux, on était là-bas. J'ai dit arrête là-bas, j'ai arrêté, on allait le champ. Dis-moi, qu'est-ce qu'on appelle ici cette que le Seigneur il m'a montré. Et vous voyez, cela vous comprenez que Jésus disait avec le langage du champ pour que les gens puissent comprendre. Nous lisons dans les Écritures, mon père le cep, mon père le vigneron, tout simplement qui est en moi. Ok, quel est ce moment? Seulement c'est quoi? Et là j'ai vu, je vais vous montrer la vidéo, elle ne sait jamais venir, comment m'expliquer. J'ai dit non, laisse-moi filmer cela. C'est quoi le cep? Et puis j'ai pris un peu les jus les raisins là, j'ai mangé. Pour dire maintenant je suis dans Jean chapitre 15. Alors donc, quand vous allez là-bas, vous voyez les haies comme ça. On a monté les haies comme, voilà, comme un mur, comme ça, comme un mur, mais en plante. J'étais en train que le vent n'est pas des. Oui, c'est les vents violents, que ça n'influence pas pour cela. Voilà. Dieu ici en a dit là qu'il va enlever ces haies, donc les murs de protection qui étaient sur la vigne pour empêcher que la. Pour que la parce qu'il a tellement nourri la vigne, tellement protégé, mais jusque-là, ça n'a pas produit les haies. Donc les haies là ne servent à rien pour les protéger, pour que ça soit foulé. D'accord? Continuons ici. Je la réduirai en ruines. Oui. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Oui. Les ronces et les épines y croîtront. Et justement, vous voyez effectivement, quand vous voyez les tracteurs là-bas, parce que vous voyez les vignes là, c'est en ligne, c'est ligné comme ça. Quand vous êtes en haut, vous voyez la façon que c'est tracé, c'est très bien. Et les haies de ça, c'est tellement tracé et bien taillé. C'est comme les feuilles hibiscus quand vous taillez, si vous taillez bien arrangé. Et puis là, vous voyez les épines justement, les ronces. Vous voyez, quand vous parlez de ronces et des épines, vous voyez, tout les haies, ça sort avec les épines, ça, ce que vous appelez les piquants là, comme sur les fleurs roses. Les fleurs roses là, les piquants qui se sortent, ça pique, ça étouffe la vigne de pousser. Et les gens, voilà le véritable obstacle aux viticulteurs. Le véritable obstacle. Et c'est ça donc que Dieu en est de parler ici. Continuons mon cher frère. Et je donnerai mes ordres aux nuées. Oui. Afin qu'elles ne laissent plus tomber la pluie sur elles. Par contre, ça va sécher, pas vrai? Continuons. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Là, il entre dans l'explication. La vigne de la maison de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. On va aller doucement. La vigne, c'est une plante. C'est censé produire un raisin. On dit, ok, la maison de l'Éternel, la maison d'Israël, représente cette vigne-ci. D'accord? C'est planté, ce qu'on a planté. Alors, il faut qu'on regarde ce que c'est que le raisin. Donc, vous voyez que les choses sont dites dans la Bible, mais en image, ça explique quelque chose. Dieu veut expliquer quelque chose. C'est pour ça que si on n'y entre pas à la manière de Dieu, on va aller avec des chasseurs, simplement. Alors, il dit donc, finalement, il donne des explications. Il dit que la vigne de l'Éternel, c'est la maison d'Israël. Souvenez, vous avez entouré toi, quoi, tout à l'heure en haut? Bon raisin. Allons-y. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'ils chérissaient. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Oui. Il avait espéré de la droiture. Stop. Il avait espéré. De la droiture. Lorsqu'on rentre dans l'image, dans la parabole qu'il utilisait, il espérait quoi? Le bon raisin. Donc, le bon raisin représente. La droiture. Le bon raisin veut dire. La droiture. Continue. Et voici du sang versé. Du sang versé, donc l'iniquité, pas vrai? Continue. De la justice. Donc, en tout cas, la phrase voulait dire ça c'est une phrase avec la juxtaposition. Il voulait dire, on peut dire. Il avait espéré de la droiture. Et voici le sang versé. Il avait espéré de la justice. Vous voyez cela? Donc, il espérait de la maison d'Israël la justice. Donc, la justice représente quoi? Le bon raisin. Le bon raisin est le symbole de la justice. Revenons sur le sang de Jésus. Il est mort pour faire quoi pour nous? Pour nous? Pour nous justifier. Donc, un sang juste doit être versé pour nous juger. Et le jus et le raisin est le symbole de la justice. Pas n'importe quel raisin de toute façon. Le bon raisin. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée. Aimez la Bible alors. Vous avez bien compris. Amen. Vous pouvez continuer la lecture maintenant comme vous pouvez maintenant. Que Dieu bien vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dans le raisin. Le bon raisin, c'est le symbole de la justice. Dans le bon raisin. C'est le symbole de la justice. Si quelque chose ne va pas avec le raisin, ça représente automatiquement quelque chose ne va pas avec son implication spirituelle. Dans le jus du raisin, si c'est bien, c'est le bon symbole. Amen. Le raisin qui a été fermenté par n'importe quoi, c'est le symbole du mauvais. C'est un... Que Dieu vous bénisse. Amen. Permettez-moi de vous saluer. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Oui, mon frère. À propos du temps. Oui. Tu parlais tantôt en passant par 1 Corinthiens 5. Oui. Que c'est une fois par année. Oui. Non, en tout cas, ici, c'est pas sorti de ma bouche comme ça. Tu as entendu l'intention. Mais j'ai fait exprès de ne pas dire c'est une fois par année. J'ai seulement dit, par rapport au temps, essayer de dire c'est là, en soirée. C'est ce qu'il dit oui, ici. Ça, pas c'est vrai. Bien compris. Donc, je n'ai pas dit quelle est la périodicité. Mais la solennité et l'événement montrent la périodicité. La commémoration, un commémorant un événement. On ne commémore pas un événement chaque jour. Mm. Ton anniversaire, tu ne peux pas célébrer ton anniversaire le mardi. Ce sont les filles qui volent les petits garçons là, qui disent que c'est en avril mon anniversaire, à l'autre garçon dit que c'est en juin. Ainsi de suite, donc c'est des faussetés. Si c'est une commémoration, on le fait à l'endroit et au temps voulu, au temps marqué. C'est le type même de l'ancien. Si vous lisez Exode chapitre 13, verset 10, il est dit que tout Israël doit célébrer avant. On doit la célébrer d'année en année. D'accord. Parce que les gens se basent sur 1 Corinthiens 11, là où on dit que toutes les fois que vous le faites, ça ne veut pas dire que vous faites ça toutes les fois. Ça veut dire que chaque fois, souvenez-vous que chaque fois que vous allez faire, voici ce que vous allez d'annoncer. C'est ce qu'on est en train de dire. Ah, c'est une commémoration. D'accord. On ne fait pas ça chaque jour. Comme les catholiques ne font pas d'abord ça. Mais tout le monde continue à saluer. Ça va, frère? Donc, ça veut dire que c'est le. Pour l'année, c'est le 19 avril, d'accord. Exactement. Oui, c'est le 19 avril. Donc, vous allez remarquer chaque fois que quand vous finissez de célébrer, soit les catholiques ont fait pour eux longtemps avant, soit c'est longtemps après. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Le bon raisin, c'est le symbole de la justice, n'est-ce pas? Le fouleré n'a pas de symbole. N'est-ce pas? La grenadine n'a pas de c'est sens. Le vin de messe, en parlant, le vin de messe, c'est bien pour les enfants du cœur. D'accord? Donc, qu'ils boivent encore bien, que ça finisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Permettez-moi de vous saluer. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas comment on lit la Bible, on fait autre chose. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. Et je dois saluer ici. Voilà, la scène n'est nulle part. Que Dieu te bénisse. Amen. Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Dieu te bénisse. Et je te comprends encore là-bas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vers toi, Seigneur.